suédoise, avoue tu vois que des comme toi y en a pas, aussi puissamment idiot, alambiqué du cerveau. Bravo, tu as remporté la palme de la perversité. Tu prends tes clics, clics, tes claques, ton sac et ton bonnet, emmène tout ton mic-mic-mac. Débarrasse le plancher, je veux entendre le tic-tac. La pendule résonne et trouve-toi un autre bivouac et ne reviens jamais. Règle 1, faut éviter les beaux parleurs désespérés. Ils cachent leur cœur inflexible sous des larmes de crocodile. Et s'ils pleurent des ruisseaux, c'est pour noyer le poisson dans l'eau. Là j'ai bien compris la leçon et je te dis sans sommation. Prends tes clics, clics, tes claques, ton sac et ton bonnet, emmène tout ton mic-mic-mac. Débarrasse le plancher, je veux entendre le tic-tac, la pendule résonner. Toutes tes machinations, tes calculs, tes ambitions se réduisent à zéro. J'ai compris ton numéro. Si tu veux savoir la suite, t'as intérêt à courir vite, à t'étaler ventre à terre pour éviter ma colère. Tu prends tes clics et tes claques, ton sac et ton bonnet, emmène tout ton mic-mic-mac. Débarrasse le plancher, je veux entendre le tic-tac. La pendule résonne, trouve-toi un autre bivouac et ne reviens jamais. Tu prends tes clics et tes claques, ton sac et ton bonnet.